Écoutez, c'est l'été sur Fadjet. Vincent Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing produit pour l'Office de tourisme de Nancy. Après les découvertes culinaires et autres gourmandises rassemblées sous la marque Nancy Passion Sucrée, dont nous vous avons parlé la semaine dernière, aujourd'hui nous allons faire un peu d'exercice physique avec les propositions offertes par la boucle de la Moselle et les sorties à vélo possibles. Et tout de suite après, bien sûr, nous nous intéresserons aux choses à faire ce week-end. Mais avant cela, un peu de vélo ? Oui, un peu de vélo ou autre d'ailleurs, parce que la boucle de la Moselle, c'est certes des pistes cyclables, mais ça peut être également de la marche à pied, voire du fluvial en bateau, mais on n'a pas malheureusement pas encore de location de bateau sur ce secteur. En tout cas, c'est un très beau territoire qui s'étend des rives de la Meurthe sur la métropole du Grand Nancy et qui va à l'ouest jusqu'à Toul, en passant au nord par le secteur de l'Yverdun, le bassin de Pompée, et au sud par Moselle et Madon, avec notamment 9 maisons. Donc c'est un territoire qui, quand on fait toute la boucle, qui fait à peu près 90 km de pistes cyclables, quasiment en continu. Donc on est vraiment sur du vélo tranquille, sur des pistes sécurisées bien sûr, loin de la circulation et relativement plat. Donc c'est pas non plus réservé uniquement aux grands sportifs. Donc si vous n'avez pas de vélo, louez un vélo à la maison du vélo et allez faire ce parcours qui est un territoire vraiment très riche, très diversifié. Il y a bien sûr du patrimoine, que ce soit à Nancy, que ce soit à la cathédrale de Toul, que ce soit la cité médiévale de l'Yverdun. C'est également des forts militaires, notamment les fortifications de Vauban à Toul ou le fort de Vidé-le-Sec qui se visite. C'est également des activités de loisirs. Je pense à la base nautique de Messin. Je pense également pas très loin à Pont-Saint-Vincent avec cet ancien fort militaire où on peut faire de l'acrobranche, par exemple. On peut également y découvrir de la gastronomie, la madeleine de l'Yverdun, Nancy Passion Sucrée à Nancy, mais également les côtes de Toul, avec le gris de Toul notamment, donc on est également à proximité de la boucle de la Moselle, donc c'est vraiment un territoire qui régalera chacun puisque chacun y trouvera son compte et des choses à faire sur ce territoire. Vous avez cité la maison du vélo, on peut louer des vélos, on peut même louer des vélos à assistance électrique. Exactement, vélo classique, vélo assistance électrique, tandem, vélo pour enfants. Donc la maison du vélo qui est depuis le début du printemps désormais installée dans la rue Claude Charles, c'est entre l'hôtel de ville et la cathédrale, donc à deux pas de la place Stanislas et de l'Office du tourisme, donc qui est ouvert du mardi au samedi et où on peut louer des vélos à la demi-journée, à la journée, voire à la semaine. Donc très pratique quand on n'en dispose pas. Donc si on veut découvrir cette boucle de la Moselle, on peut se réserver une demi-journée ? Une demi-journée, une journée, voire pourquoi pas deux jours. Il y a des hébergements aussi sur le parcours, que ce soit en camping, en gîte, en chambre d'hôte. En tout cas, un site est dédié à ce territoire. C'est boucle de la Moselle tout attaché. .fr. Nous avons remis à jour la carte touristique de ce territoire que l'on peut découvrir en téléchargement sur ce site internet boucdelamoselle.fr ou alors dans les offices de tourisme du territoire qui sont à l'Yverdun, à Toul et également à Nancy, bien entendu. Merci. Alors, on va maintenant se pencher sur le programme de ce week-end des 22 et 23 août. Avec notamment quelques gourmandises aussi. Oui, alors on retrouve une visite à Nancy Passion Sucrée dont on a parlé la dernière fois, la semaine dernière. Donc ce samedi 22 août à 10h30, un circuit guidé qui permet à la fois de découvrir l'histoire des spécialités sucrées, la bergamote, les macarons, le baba au rhum, mais également des dégustations qui sont comprises dans cette visite gourmande. Autre visite également insolite, c'est la visite du cimetière de Préville. Donc c'est un peu le Père Lachaise de Nancy avec deux points intéressants dans cette visite, c'est à la fois découvrir les sépultures de personnages illustres et d'en apprendre davantage sur ces personnages, que ce soit des membres de l'école de Nancy comme Émile Gallet, comme Louis Majorel, des hommes politiques comme l'ancien maire Gustave Simon avec une très belle sépulture, ou encore des chefs militaires qui y sont inhumés. Mais c'est aussi une visite intéressante pour découvrir l'art funéraire, les différents styles architecturaux. C'est un cimetière qui date de la moitié du 19e siècle, donc on trouve des tombes vraiment dans tous les styles, y compris dans le style Art Nouveau ou dans le style Art Déco. Encore l'occasion de faire la différence entre ces deux styles souvent confondus. Donc c'est également ce samedi à 10h30 la visite du cimetière de Préville à réserver impérativement sur notre site internet nancy-tourisme.fr ou à l'Office du tourisme directement. Voilà, d'autres visites sont également proposées ce week-end, comme tous les week-ends la visite du centre historique, mais également sur la thématique de l'Art Nouveau, de l'Excelsior à la Villa Majorelle. Vous avez toutes ces informations sur notre site internet nancy-tourisme.fr. Merci à Vincent Dubois. Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site www.nancy-tourisme.fr ou par téléphone au 03 83